Pardon. Abasourdi, il ne dit pas un mot. Vous le laissez, vous rentrez à pied. En chemin, vous croisez un crapaud. Lentement, vous vous en approchez. Vous lui donnez un baiser langoureux. Rendez-vous plage 22. Vous l'écrasez comme une pauvre crêpe. Rendez-vous plage 27.